Okay. Okay, merci. Merci, bonjour. Bonjour, bonsoir, beauté, Jumbo, Moyoen. Bonjour mes amis, bonsoir. Merci pour vos alarmes. Merci. Nelly Manel, merci beaucoup, ma soeur. Merci. Junior Patrice Lumumba, merci. Merci, merci à tout le monde. Merci pour nos alarmes. Oh, franchement. Mes chers amis, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe entre moi et ces citoyens millevaux. Nabandi, quelqu'un déjà me pose la question, Oni et Salanina Kongo Nabisso. Est-ce que moi, je suis venu parler pour les comptes de l'ONI? Dans sa porte-parole, il y a unité. Franchement. Mes chers amis. Oui. Mais. Oui, je pense que mes amis, vous allez me comprendre. Hein? Cherchez un peu à me comprendre dans le sens que pourquoi ces messieurs répondent à ces vanipiés? Bon, tout la question, Anna, pourquoi ces messieurs répondent à Kabatu Oyo? Avant de me lancer dans. Dans ma vidéo pour parler de mon pays, j'ai eu presque 2-3 mois y a qu'analyser la sociologie politique de notre pays, le Congo. Je suis spécialiste en sociologie, mais en tout cas, moi, je suis en sociologie à l'université et je vais comprendre un peu plus sur les comportements politiques des Congolais. Et j'allais écrire un papier sur Étienne Tshisekedi. Voilà la raison qui m'avait poussé pour que Naïeba, le comportement politique de nos amis Kassaïens. Ezaïna Ndenga m'a bêté. Donc, je voulais écrire quelque chose sur Étienne Tshisekedi. Excusez-moi, parce qu'il y a quelqu'un qui me pose une question. Il y a un Mbala Moko d'arrache-pied. Je vais rentrer dans les détails. Donc, je n'ai pas papier Moko sur Étienne Tshisekedi. Je me demandais comment est-ce que ce type ici, un fainéant intellectuel, un gars réellement, intellectuellement, il n'était pas intelligent. Alors, mais comment est-ce que. Toute une tribu basali sacrifiée pour naïe. Ils peuvent mourir pour naïe. Pourquoi? Alors, nakati entre nakati étudier pas seulement Étienne Tshisekedi Omulumba. Je voulais aussi comprendre le fan de Antoine Gizenga. Mais en tout cas, si j'ai Nabisho Ezalaki d'abord Étienne Tshisekedi Omulumba. Et comme exemple, Nanyai Kozoa Batumusu Lokola Gizenga. Et Yango, il y a d'autres raisons. Il y a des gens qui ont papier, Nakoma Yango Souté. Namonaki qui, en tout cas, a exposé la foutaise. Il y a Bande Konabiso, Bazaka même Bande Konabiso. Namilie, il y a scientifique, il y a Coréen. Ils ont bien été à cette époque-là. Alors. Yango etindaki ngai nameka kokomprendre nos amis les Kasaïens. Ezalaki na ndenge mabe te. Tout comme un Kasaïen aussi peut observer les comportements politiques. Il y a bato Équateur, il y a bato Bandundu, il y a bato Kivu, il y a bato Bakongo. Donc, ce n'est pas interdit. Alors, Tozonga. Je sais pas, je sais pas. Je ne sais pas lire. Voilà, il y a notre ami Man Robert qui dit, il a écrit en anglais, c'est sur YouTube, hein? Il a écrit en anglais, à l'lobby, elle a parlé avec quelques filles coréennes. Ayebisi bango ke azali neve nangai et ke naza oncle na ye. Alors, les filles coréennes ont été choquées et lui ont dit, vous êtes un chanceux parce que vous en avez oncle, le kola monsieur Yombi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous comprenez Lingala. Des témoignages comme ça, il y en a partout. Il y en a. Donc, même nos amis Milouvor, ils croisent des Coréens, Batuna Kabango, et je vous dirai peut-être dans la parenthèse, parce que je ramasse des choses comme ça que les amis écrivent. La parenthèse, je vous dirai que l'ambassade de la Corée du Sud m'a contacté il y a de cela 2 semaines, dans négligeant qui email Nabango. Ils m'ont dit il y a un conseiller de votre président qui est passé par ici. Et ces conseillers, ce n'est pas n'importe quel conseiller, Vili Etchimanga est passé à l'ambassade de la Corée du Sud. À Kendaki Kunapone Loko Moussoute, il est parti se renseigner qui est au juste, M. Yombi. Alors, les Coréens m'ont dit, il est sorti parce qu'il voulait Toye Bisaye, ce qui m'a Lingaki. Nous, c'est la vérité, on te connaît, on connaît M. Yombi. Les Coréens, nous, on se M. Yombi. C'est un gars tous à fier pour naïe, tous à fier parce que Ayana Mbokanabiso, c'est un gars qui contribue à l'économie en Mbokanabiso, c'est un gars qui contribue à l'éducation Yabanabiso, c'est un gars qui enseigne chaque semestre plus de 500 Coréens. Chaque semestre, donc semestre Mokosokibozu, quelques 4 mois, donc j'enseigne plus de 500 Coréens. Natangi Sakabango. Ma parent n'a bango bayebi, et d'ailleurs, tous ces étudiants, quand ils viennent pour la première fois, bah, s'inscrivent na cour nanga, c'est le parent qui fête. Ah, Yasulu, na cour yomutuana, okomona ye penza, physiquement comme ça, tu la vis, asotangi sabino, okangi photo na yete, il y en a plein de photos. Il y en a plein. Et ceux qui ont des connabino, ils ont mis le voir, ils ont vendu en Corée. Ils sont sincères, il y a des vidéos. Il y a des vidéos en coréen. Ils ont inondé des vidéos coréennes. Et d'ailleurs, il y a un programme là, bon, Naver. Ceux qui ont tiré des vidéos de Naver, ceux qui ont vendu dans le continent, c'est difficile pour les vidéos à nous visualiser. C'est très difficile. Mais moi, je reconnais encore la première année où j'ai commencé à enseigner, le premier jour. Oyonabanda qui court le premier jour, c'était télévisé, la télévision nationale. Le premier jour, dans la liste Nangaï, j'avais étudiants inscrits à l'université de Pesakingaï, c'était à peu près 100, 120, 130 étudiants inscrits dans la cour Wana Yaliboso. Mais je me rappelle encore 20 minutes avant cours Ebanda, l'université. Bah, Bengingaï, bah, lobby, mais nous avons un problème très sérieux. Un problème sérieux dans le sens que, quand on a la liste d'étudiants au bah, commission à cour où il y a droit de l'homme, bah, qui 125-130. Alors, parce que selon le nombre d'étudiants, bah, quoi affecté dans la salle de classe, dans l'auditoire, Ce qui va étudier basé est belé auditoire ya monene. Ce qui basa mingité auditoire ya moki. Alors, on a prévu un auditoire où il y a une capacité à 125-130 étudiants. Mais nous sommes en face de plus de 300 personnes. Liboso ya salle, liboso ya auditoire ya cour na yo. Moi je dis, mais non, une liste dans un mot, ah ouais, je 120, 130 étudiants dans la liste. Mais non, ça ne va pas. Bon, na télévision, oh, abanay ko lananga, toke na liboso ya salle ya auditoire, mais c'est plein. Ba étudianté, ba étudiant bazali, de parents, ba tout. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe? Non, ba tout oyo. Ba mon rayon na télévision, ba yoki, ozo bandakou, alors ba ye vraiment ba yoka yo. Alors, l'université a changé. Au lieu ba tchabiso, ba tchanga yi na salle oye ba prévoye ki, on a changé de salle, toke yi na salle ya mounene, y a plus de 500 personnes. Ba tou ba yaki, ba paran azaki kirye na yeba. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi ba tou ba yeboui? Non, on a suivi à la télévision que ozali engagé professeur d'université Awa. Alors, il y a un peu de monde qui a la télévision, qui a été mon ami physiquement comme ça. Il y a beaucoup de sabango. Beaucoup de sabango, et bon. Au lieu de la cour les jours-là, et comment il y a l'orientation, après causerie, il y a parents qui ont été. Je reconnais encore un père comme ça qui a parlé dans la télévision, qui a le micro, alors il non, il y a fier naïe. Azali, un modèle réussi à immigration, tout ce pays là mingi, et batounion sur ce qui bazali loko la ye, et zali vraiment malam ou makasi pon ambo kanabiso. Parce qu'on voit ce qui se passe en Europe, on voit ce qui se passe en Amérique, avec les Africains, alors bah écoute, Afrique était avec les Noirs, ce qui se passe en Europe avec les Noirs, ce qui se passe en Amérique avec les Noirs, pour nabiso tuza ko banga que ce comportement des noirs eya et pas nabiso awa. Alors voir ce monsieur ici pour nabiso en tout cas to lingi batu ya boye na mboka nabiso. Les vidéos sont là. Ba mirvor ba vaina kore ba zo mona yango tellement ils sont sorciers moye ba yebisa bino yango ezate. Alors merci beaucoup mon ami bon azana Londres le bien azana Londres et puis akutani na ba coréen atuni bango so ba yebingai akosi ba onke nga na za onke na ye atuni bango so ba yebingai alors ba ye moko ye wana il est là demandez lui pas moi bo finga ngate demandez il est là va na Londres na za na Londres te siko na za na Londres te. Et je ne connais pas ce frère ici qui a écrit les coréens choqués ba lobi ah ozali vraiment chancé ya kozala na onkle ya boy alors je me revoir. Vidé tu manga ambassade, et puis si nga vidé tu manga y passé parce que a tiki identité na yé na porte, que yazali conseiller à président, il veut s'entretenir na les autorités et ambassade. Ba kote si yé, et il est là juste pour yé ba kie ou juste ne se yombi. Et ba yé bi si yé abimi na makanisi ya béton. Voilà. Donc, ezala ki si je na bisote, mais en tout cas, tellement le frère ici y a ba lobeli yango tika ka to loba yango merci bon voilà to kokota na ba detail la mosu sinon ça va nous perdre le temps. Je suis venu pour na vidéo auto sala ki lobby na tchabo pour na tanga quelques papiers. Pour la vidéo, na salaki lobby, je lobby na avant-hier, j'avais expliqué comment est-ce que bah président africain, bah yeko pesa biso Sony, bah yoki si biso Sony, Sony National. Moi, je m'attendais à une réaction du gouvernement congolais, une réaction comme gouvernement ezali démissionnaire. Je m'attendais à une réaction présidentielle. Pour na Sony Oyo ba président africain ba pesibiso. Mais na zomo na batebele comme vous le savez ba ndeko na biso na za spécialiste ba milvor. Mes chers amis, ndenge bozomo na nga awa, ne croyez pas que je suis un monsieur qui vient qui se réveille comme ça aya abanda kolobela eloko mobu. Na za mutu moko qui se prépare avant ya kobanda likambo parce que na façon na nga d'être na lingaka échec. Na banga ke échec mingi. Na linga ke échec te, alors po na banda eloko, je me prépare en conséquence. Na yaka na ba hypothèse ebele. au cas où et simbité, qu'est-ce que je vais faire? Au cas où des marches et simbité n'a pas ça l'endengénine. Alors, n'a mais kaka vraiment qu'on soit bas risque nionso et pour n'a minimiser bas risque y a échec. Et comme vous le savez, parmi mes cours, na biso totangi saka au niveau de doctorat na master, totangi saka gestion y a comment on appelle ça en français? Risk management. Donc, gestion de risque. Totangi saka yango. Au niveau, il y a doctorat et la master. Alors, tozali, nazali mutumoko, soki na lini kosa le loko, j'analyse profondément avec des hypothèses d'échec, soki hypothèse et lokwana et yelingai, nazala déjà na soupape de sécurité. Na, au cas où et lokwane, comment est-ce que je vais m'y prendre? Alors, j'ai bien étudié nos frères Luba. Comme Naouti Koloba Yango. Nalinga qui n'a comme un papier sur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je me suis dit, mais un gars ici, avec un faux doctorat, Oyoba Kabila et Okabela, c'est une famille Oyobango, va vivre à Okabela. Etienne Tshisekedi place à Zawana, il n'a jamais réellement travaillé que à Toka. Mutokiwana et Pesaye Mbongo, Mbongo a beaucoup la famille Naye. Etienne Tshisekedi a vécu sur des corruptions. Alors, Atikipe et Lokowana, culture Wana, na bana Naye. Ban Etienne Tshisekedi nyonso bazala ki libanda, il faut ba kabela bango. Na bar, il faut ba somme la bango basanga. Il faut ba Pesaye moi 500 euros, moi 500 francs. C'est comme ça bango ba koli, au kabela. Mais biso msu to koli na motoki. Au toki, okei na bilanga, okati bilanga, okimi mbangu, oporte biloko likolo mutu, na mapeka, bafutiyo, ole. Ndenge tokoli yango na biso. Alors, yango bozo mona ke batu ebele, oyo bakoli na facilité. Avandi na ndako na ye na bapara na ye, bapara bazo faire vivre bango na ba corruption, bambongo ezo wute pa Mobutu, bambongo ezo wute pa Kabila, bambongo ezo wute pa badiama kifer ya Kasai. Donc, pona bango musala yango wana. C'est un travail pona bango. Alors, c'est difficile batu aboye po yebisa ya sala musala. L'exemple est là, comme Félix, il a fait 54 ans. 54 ans, jour pour jour, mes chers frères et sœurs, il n'a jamais travaillé. Parce que ba mesanine de bongo. Mutu moko te koyebi sanga compagnie nini mwana et Tshisekedi X asalaka. Botange nga compagnie et depuis quand il est engagé na compagnie wana. Exacte. Donc bango bakolaka kaka bongo batu bakabela ka bango. Ce qui l'état kabeli bango te na corruption, peuple a kabela bango pona ba influence, bon mwana Tshisekedi tika to kabela ye. Alors nauti koloba na vidéo à lobby sur ba circonstance oyo ndenge leki na niveau ya Addis Abeba oyo Félix va saboter na ba président nyonso ya Afrique vraiment na bango nyonso ata moko te sur les 53 présidents moko te a lobby boto yo ke le mawa na kende ka même na kende kwa assister ye tokozongela likambo wana te. Je suis venu aujourd'hui pour na yebisa bino que j'ai parlé avec un diplomate o azali basé na Éthiopie, un diplomate ya mboka mususu tozali bami er nazo solo la maka mususu en ami me di oh oyebi le diplomate o azalaki na Londres ya mboka oy mboka na biso akoma na Éthiopie ye moto azo représenter mboka na biso na Éthiopie nga bia ah, oui ok na yebi bien ah bon na luki email na ye na komeli. En tout cas, il m'a appelé à Pessinga ba révélation sur ba circonstance ya honte oyo Félix a yokisi Congo. Le diplomate me dit ceci. Comme boyebi que na Congo azali na liste ya bato oyo ba pays o ezali na présidence tournante ya Union africaine. Entre parenthèses, bandeko oyo bazali ko sabino. Félicitations, Félix. Na manda na yo zui. Félix a sali effort mon côté. Félix a leki concours mon côté. Félix a leki na élection mon côté. Félix aléki place wana na mérite mokote ezali présidence na tour de rôle, c'est-à-dire ezala botiaki mboa botiaki milou na tête ya mboka na biso, ezala botiaki makaku, ezala botiaki muselekete alingai kaka kozala président ya Union africaine na tour oyo. Tour oyo ekweyi ke Congo azwa présidence. Ce n'est pas mérite ya Félix. Félix aza na bongo akozala na mérite ya kokoma na isika ya ndengo wana te. C'est ça. Bazo kosa bino. E boza fier ya kosepela. Olie bo sepela, Congo azwi place. Bozo sepela Félix. Félicitations Félix. Félix asali nina makambo nyonso bampandi ya Vincent. Na bino pe ki, vous vous prétendez être intellectuel. Vraiment de bado ya IDPS, bako yiko mema bino a bato. Félicitations, président Félix. Non, il faut dire félicitations, Congo. Il faut dire félicitations, Congo. Félix n'a rien fait. Alors, le problème c'est quoi? Pourquoi, révélation au Nayeli Lelo, pourquoi le président africain a boudé investiture à Félix dans l'Union africaine. Et il y a banaki déjà avant que, na 2021, au mois de janvier 2021, Congo Moutakozala na présidence à l'Union africaine. Alors, Rwanda Azui. Sud, la République sud-africaine a zui. Et comme il tourne à Congo, Natango Félix, ba yeko pesa ye pouvoir et pa ya Kabila. Fayulu a contesté résultat wana. Par la suite, boyebi makambo ndenge le kaki entre Fayulu et Félix. Entre Lamuka, PPRD, FCC, na Cash. Boyebi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au niveau il y a Union africaine, il s'est posé un problème. Bon, là, on a bien. La limite, malattendu et kota awa. Au niveau de l'Union africaine, un problème s'est posé. Lequel problème est tindaki ba président, quelques présidents de l'Union africaine, ba solo la likambo oyo entre bango. Les Cambonini. Na régulation ya Union africaine, il est dit quelque part que balingi li sous makamba ba coup d'état te. Ce qui osali coup d'état ba suspendre yo na Union africaine. Ce qui o leki na ba moyen frauduleux ya pouvoir ba ko suspendre yo na Union africaine. Avec les coups d'État, c'est clair. C'est facile à comprendre. Mais la difficulté au Union africaine, Bazanango, comment maintenant comprendre les moyens frauduleux, comme on a pouvoir, par exemple, les élections. Parce qu'il faut que ça, là, il y a preuve et l'idée est alliée différente entre le parti na katia pays. C'est difficile que l'Union africaine se penche sur ça. Mais quand même, quelques présidents, bazwa qui risquent yako solo la yango. Ce que je vous dis, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et yé koko ma que, Congo a koki kozwa présidence T, parce que la personne qui a été élue président, azali élue d'une façon frauduleuse. Le président africain a proposé ceci. Il y a un problème au Congo. Félix est président, pas par des élections, il est président par la force de Joseph Kabila. Binonyo sondenge bozali awa, boyebi histoire on a des élections. Au niveau africain aussi, basse pancha kinango. Alors, bayeko proposé. Par l'Afrique du Sud. Désolé Naloba, parce que la personne, le diplomate qui m'a dit ça, a lobi na tanga kombo ya mututi. Mais, na koloba, l'Afrique du Sud. Ayaki ko proposer ceci. Comme il y a un conflit électoral na Congo, ma mission diplomatique na biso pe ba confirmer biso que en réalité Félix n'a pas gagné des élections. Il a eu 15% il y a totalité il y a ba voix. Bien derrière Fayulu. Nazali moto Fayulu te. Bo indexenga na Fayulu te. Je ne suis pas de Lamouka, je ne suis pas de Lissidé. Je n'ai jamais rencontré Fayulu physiquement, bien qu'on se parle. Ce qui te sera la canaille, ils allaient juste Makambouya Congo, ils allaient Makambouya élection à Bango Anate. Mais la réalité, ils allaient réalité. La vérité, ils allaient vérité. L'Afrique du Sud a proposé à quelques présidents africains, comme il y a un problème, il y a élection à Congo. Il y a un problème de légitimité de Félix. Société civile ya Congo. Du moins, disons, société civile ya Congo au Bazali très influent. L'Église catholique. Organisation Moussousou. Tous, diplomates représentés à pays Nabisso, expliquer clair que Félix n'a pas gagné des élections. Alors, ça, c'est le moyen fraudulé au Yotosa dans la régulation de l'Union africaine. En réalité, il faut suspendre les Congo. Mais pour suspendre les Congo, il faut que la Cour constitutionnelle azalana même avis wana. Comme ça, va suspendre les Congo. Mais hélas, vous avez compris qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a décidé à la place de la vérité. Le président, quelques présidents de l'Union africaine, Bayeko proposait ceci. Nous demandons, nous allons demander à Félix, au mois de janvier 2021, de ne pas prendre le contrôle de l'Union africaine parce qu'il y a un conflit dans son pays. On fait comment? À la place, il y a Congo, en 2021. Au mois de janvier, na place Congo azwa pouvoir, azwa bâton, ya Union africaine, tope sa pays au ezali ko ya na sima ya Congo. En attendant que le problème ya élection na Congo est si là. En attendant que les conflits na Congo est si là. Parce que chez lui au Congo, il n'est pas capable de résoudre les conflits électoraux. Les conflits entre Yé na Kabila, les conflits entre Yé et son peuple, comment a kozala capable ya ko diriger, ya ko gérer ba conflit Afrique. Ce qui na mboka na ye moko azo koka ko gérer ba conflit wana te. Ce diplomate m'a dit, le diplomate n'est pas un Africain. C'est un diplomate d'un pays basé na Éthiopie. Alors, Basenga na Félix azwa pouvoir te ya Union africaine. Tozé la, ba pesa pays où ezo ya après le Congo, ce qui manda ya pays où ezo ya après le Congo est sili, si le conflit congolais est résolu, maintenant Congo akoyi kozwa relève na place wana. Je pense que vous me comprenez. Ce que je vous dis, c'est vrai. Ils ont parlé de ça avec Félix. Le président sud-africain Atinda ba émissaire Basolana Félix. Quelques présidents Basolana Félix, Félix a refusé. A lobby ezali tour ya Congo. Bozali na droite ya ko kokota na makambo ya Congo. Ben élection ici Salema, cour constitutionnelle a décidé. Je suis président en exercice. Il faut que je prenne ma place ya Congo na Union africaine. Ba président est belé ba tindelier ba émissaire. Félix leur a répondu niet. Je vais prendre le contrôle ya Union africaine. Ba bondelier kozwana noté parce que il y a un problème chez toi. Vous savez boyebi bande konabiso nenge bazalaka. Félix s'est entêté. Alors, le président a dit, bon, le cola s'entêté à l'ingité, parce que mandat, il y a l'Union africaine, et ça a été. Qui a place dans le pays où il y a un sima ya Congo, résolvez d'abord votre problème, et que vous mettez, vous êtes toujours président, ceux qui vous allez toujours président, vous avez une place dans le pays, ça ne pose pas de problème. Il n'a pas voulu. Les présidents africains ont dit, bon, le collaboui, il s'est entêté, a aucun de causes à pouvoir ou à yemoko. Le Sud-Africain lobby n'a qu'aucun de copé sa yé yangote, ce qui a causé yango a causé yango en parole, na maloba, na téléphone. Voilà pourquoi ces présidents africains, Bango Nyonso, voire même Paul Kagame, solidarité na ba président Nyonso, ba pesani mot d'ordre, que personne n'assiste à investir na ye. Maintenant, le problème qui s'est posé est lié à ba dossier. Félix a poussé. Batou à Félix, parce que Félix n'a pas cette capacité de pousser. Batou à Félix, ba conseil à Félix, ont fait le déplacement à Addis Abeba quelques semaines avant pour contraindre le président de la Commission de l'Union africaine pour qu'il y ait à ça la remise et reprise avec Félix. Babondelié, voire même avant le déplacement, il y a Félix. Le diplomate me dit, rencontre il y a Félix, la présidente, il y a Éthiopie. Parmi les points discutés dans Félix, c'était ces points-là de sursoir prise il y a pouvoir pour l'Union africaine. Félix Aboy. Alors, tellement ezala qui consigne donnée par le président Nyonso, balobi toko boudé investisseur to kinete. Bokomo na makambo wana ndenge ko salema par la suite. Donc, c'est ça la révélation que je voulais vous faire vous passer. C'est vrai, c'est véridique. Parce que connaissant les diplomates, Oyo a informé Bisso. 22 ans la diplomatie, 22 ans ambassadeur, Azala na Congo, Azala na Rwanda, Azala na Londres, Azala na États-Unis, voilà maintenant Azali na Éthiopie. Cela se justifie dans le sens que, mes chers amis, le président wana nyonso 53. Atako ba yinaka mutu. Moko kaka koyi kozala mina yo. Akoya ko assister yo. S'il y avait rien. Ça se justifie dans le sens que tous ces présidents, la plupart de ces présidents, ne sont pas restés na banda ko epa na bango. Le même jour, le samedi, au Félix Azozo pouvoir en Union africaine, ces présidents ont voyagé baké na ba pays mususu. Présidente ya Éthiopie azala ki na ndako na ye libre avec sa famille. Président ya Éthiopie a dépêché ni ministre ni envoyé spécial aya ko yamba Félix za na aéroport ya Pamba. Félix a quitté na aéroport tapis rouge moko te pona ye. Bien au contraire, à Tamboli, na mabele ya noir, ya Addis Abeba. Le diplomate me dit, bino ba africain vraiment er moko to comprendre la binote. Si l'humiliation au Félix a subi, ce qui ba sali yango na président ya biso, ya continent na biso, ezali crise diplomatique. Ezali crise diplomatique. Un d'abord, à l'obin angai tozali na Éthiopie awa, mesure ya sécurité mokote ezala ki aloué na Félix. Donc, en Éthiopie, Félix pouvait se faire assassiner. Alobi na biso na ministère d'affaires étrangères ya Éthiopie batuni balobi si Félix se faisait assassiner en Éthiopie, c'est de sa faute parce que notre président lui a demandé de ne pas venir aux au pouvoir et à l'Union africaine. Loko la boyaki, consigne zala qui donné na ministre ya intérieur ya Éthiopie, consigne zala qui donné na la police ya Éthiopie, ya comme ma sécurité mon côté pour na Félix. C'est-à-dire que Félix banda na aéroport, ti na hôtel isika kené kolala, ba wewo abato ba sali sécurité na ye. Ba oya kenda ki na bango 500. Deux avions affrétés, plus avions na ye moko esala ki lokola trois avions. Ba wewo abato ba sali sécurité na ye. Ko banda aéroport, ti na hôtel, ko banda na hôtel, ti na chaise ya Union africaine et ko banda kuna kozonga na hôtel, a partir hôtel kozonga na aéroport, kozonga na Congo. Ba wewa batu basali ya sécurité, aucun policier éthiopien, aucun agent de renseignement ya Éthiopie, parce que ba yebi saki. Donc Félix a fait ce qu'on a fait le push le kola oyo basala qui n'a parlé du peuple. Ba yebi ke bande kona biso ils sont violents pour na ye pouvoir wana ya Union africaine, papa na ye Étienne Tshisekedi mutati ke liye, il faut ajouter ngoka. Alors, bah, il y a bon, le colosso santé, tout ce que nous avons besoin, qu'est-ce que nous avons besoin? Alors, le secrétaire à Salanini, secrétaire à la Commission à l'Union africaine, il y a un problème, il y a un secrétaire, et ça, le colosso santé, il y a un kidnappé le secrétaire à l'Assemblée nationale, le palais du peuple, il y a un kidnappé pour y avoir un dossier. C'est comme ça qu'ils ont fait avec l'Union africaine. Milouvo Rumoko a yélinga inbox. Alobi nangaye, alobi, nous, on s'en fout. Ya Union Afrique, ba président na bino ya Union africaine, on a baya bayate. Bozo mwana ndenge ni bandeko na biso oyo bazali ba bolole. Na yebite na kabaya ka mwanga suki ba ekoli zali. Me bolobi ba président wana bino, boza na benzo na bangote. Alobi ba président na derrière, ce sont des corrompis, ba assassins, ba criminels. Toza na benzo na bangote. Na tounye, ba président na bozana besoin na bangote, ce sont des criminels, mais oké ko zwa pouvoir pour au diriger banani bangote. Bango batu baza ba président na bamboka na bango. Vous n'allez pas diriger Kabera Mwanga. Ozu pouvoir na Union africaine pour na ko diriger Union africaine par ses gouvernements. Vous n'allez pas diriger l'Union africaine par des ONG ou bien ba katou onion so batondi na bamboka na Afrique. Vous allez diriger par ces dirigeants là. Voilà, balobi nous ces dirigeants on les ignore. Ba assassin ba criminel na tout nié à bon. Donc Paul Kagame ou Azali frère Nabino, lui n'est pas criminel. Lui n'est pas assassin. Les autres présidents africains sont des assassins, des criminels, des corrompus sauf Paul Kagame. Voilà façon y a raisonnement, y a bande kona biso oyo. Ba rezona ka ndenge moko bango nyonso. Il pose ma question ya ndenge moko. Mais ce qui m'étonne moi, excusez-moi, en tout cas, vous excusez ngai. Ce qui m'étonne, na botami na mboka. Na botami na mboka. Na botami na mboka, o ezala ki ezali centre hospitalier. Na lobakango toujours, mon père était un infirmier. Mon père était parmi des évolués. Papa n'a pas eu tout le monde. Papa n'a pas eu tout le monde. Il était un infirmier itinérant. Et si on a découvert que Mbok est belé, par exemple, Mbok a Kamitat Masamba, ce qui est le Belaka Kamitat, je connais cette famille de Kamitat, ce qui est le Belaka Olivier Kamitat. Parce que dans la famille, j'ai été à Kinzamba. Mon père était infirmier à Kinzamba. Kinzamba ezali pembeni ya Mosenge. Mosenge ezali pembeni ya Mission Lumbi. Mission Lumbi ezali a quelques 2 km ya Kilombo. Kilombo ezali mboka ya Kamitatu Masamba. Je connais leur famille, banda papa na bango, mutu aboti Kamitatu Masamba. Na yebi bango, na yebi baleki na ye. Tout le monde s'étonne. Baya komona na katia famille, un enfant débarque Mundele. Kamitatu Masamba était très noir le kolaba soudanais, ou est-ce qu'ils ont fingaté, mais Kamitatu Masamba zala ki noir le kolaba soudanais. Moi si na ya zala ki noir. Baye ko bota Mundele zolo amulai. Mwana wa uti wapi. Famille nyon sa Kamitatu Masamba bakamwaka Olivier Kamitatu auta wapi. Cette histoire toyebi yango ezali objet ya live na bisote alelo. Juste pour vous dire to leka ba mboka wana ki passi mboka ya ba ba Matanda. Quand Mobutu a fait arrêter Matanda, c'était juste à côté de notre maison. Natango bakangi kudia kubansa le groupe Oba Bomana Bamatanda Mateya. Le colonel Kudia Kubansa. On a arrêté le colonel Kudia Kubansa na mai ya kui, na, pardon, pas kuilu ya Lukula. Na Mosenge. Mosenge zalaki HPK. Wileri plantation de kuilu qui appartenait à Matanda. On était étonné. Toya komona, gérant ya usine moko ya muke, aye kombo na yeko diakobansa. Na tango wana, il venait toujours visiter mon papa. Bazo solola, soki aye tout le monde dehors. Papa zo sabiso na zo mou nango louche. Na niveau ya se colonel. Andi maya ko zala gérant, ya usine ya muke. Chaque matin il passait, footing koki mambangu nambwa na ye. Chaque matin, tozoke nanzela classe Erwana. Il s'arrête à peser son beauté. Il ne parle que français. Tellement, il y a qui biso que bana ya infirmier tona, so ki a moni biso ako telema. So ki a zali na jeep na ye ako telema, ache biso na jeep, ake ko tika biso na ndako. Une semaine après to ya ko yoka, na butu ba soda mo butu atindi ba ya okanga ye. Ba kangi ye. Bake na ye, 3 jours après, tu as eu la télévision, non, bazala qui n'a complot à coup d'état, entre Bango, Kudiakobansa, Matanda, ils étaient, je pense, 25 personnes. Trahis par Kamitatu Masamba. C'est Kamitatu Masamba qui a signalé localisation. Il y a colonel Kudiakobansa. Moi, j'ai vu Matanda. Jacques Matanda, au Yazan États-Unis, nazala ki mwana muke. Désolé, Jacques Matanda, benga nga kurutu yombi, mais nalinga koye bisayete. Nazala ki na 4e primaire. Natango bakangi papa na ye. Jacques Matanda est passé na ba izine na bango nyoso, Mosenge, Kipata, Lumbi, Masimanimba. Na butu butu na ba magasin na bango. Parce que bazalaki na ba usine na ba magasin ba bandeko teka biloko. Tout le monde na bamboka na tumande son ba biloko na ba magasin na bango. Il passait la nuit ba bengi magasinier yaka ozana mbongo combien boy azu mbongo le reste c'est pour toi. Magasinier ya lobi mwana kami ya Matanda zalaki awa. Jacques Matanda était ici. Azu kaka mbongo alobi biloko a magasin e komi ya yangai. Jacques Matanda est sorti comme ça jusqu'à Angola. Angola qui s'est retrouvé dans la Belgique. Je l'ai vu passer. Et par la suite, ma papa n'a yé bazalaki assassiné par Mobutu. Alors, je disais que Mboka Oya Bisso na yé kouli batwe belé. Nos amis batuna kaba question kaka yandenge moko. Pourquoi j'ai parlé de Bandundu? Na yebi bata Bandundu. Je suis passé ma place et belé qui quitte. Je suis passé partout. Na yebi bata Équateur. Na yebi bata Kivu. Na yebi bata Tange. Na yebi bata Nekongo. Na yebi bata Saya. Mais en tout cas, spécialité et zali frappante. pour nos amis Luba. Barezo na kandenge moko. Mais chez nous, na bandundu, mutu ya bindungi peut-être raisonnement nanga façon nanga d'être, ezandenge moko te na mutu abagata. Peut-être ezandenge moko te na mutu yankara. Peut-être ezandenge moko te na mutu adibayelubwe. Mutu ya bandundu ville. Mutu ya inongo. Mutu akasongolunda. C'est différent. De même na bato équateur. Mutu ya boende, bon, peut-être raisonnement na ye, et kokani penzate, na mutu ya mbandaka. Mais avec nos frères Luba, ils raisonnent la même chose. Ils ont des mêmes questions. Et pour na bango, ce qui a tout nio question, ko se poumonete ko pesa ye réponse. Abandako zongi la kaka question wana. Abandako zongi la kaka question. Aussi au pays si réponse. Ozope, vous n'évoluez pas. Avec eux, vous n'allez pas évoluer. Ba répondre à la question. Te. Bango, ba n'ingi ko tourna ba question. Et ba question, bango ba tourna ka. Ezali ba question de type. Comment expliquer yo professeur Mobimba ou l'ingi ko faire couler moi na yamboka. Allons à la pouvoir. Nazui même une cinquantaine yabande kona biso baloupa. Oyo ba yebanite. Ba vanda ke sika mokote. Ba botama e sika mokote. Cette question bango nyoso bazotuna. Ngaye nazo pesa explication pourquoi na lingi ko faire couler ye. Un, azali prototype ya président ya mboka na biso te. Ce n'est pas ce prototype. Il y a citoyen qu'on a la présidente de la République au Tobanay Koluka. Oui, Tobanay Koluka mwana mboka. Tobanay Koluka mwana mboka ya kiyungute. Tobanay Koluka mwana mboka kizengite. Tobanay Koluka mwana mboka ya idiote. Tobanay Koluka mwana mboka conscient. Mwana mboka patriote. Mwana mboka o azan experience. Mwana mboka o alingi mboka na ye. O azayi na amuri ya mboka na ye. Ye wana mwana mboka Tobanay Koluka. Tobanay Koluka parce que makaku pe azan mwana mboka. Makaku ya mbandaka, aza mwana mboka. Milu ya kabe ya kamuanga, aza pe mbwa ya mwana mboka. Tobandai koluka mutu ya mwana mboka, wazali eksperimente. Wazali na mutu aleka kame mwa minimum na klasi. Pourquoi? Ko dirije peyi ezali kaka makambo o ezo leka ko sinye ba papiete. Qu'on dirige pays et senga ka raisonnement. Il faut raisonner. Raisonnement critique. Vous devez raisonner. Moutou, il faut tambola. Ozali leader. Leader, na monoko na biso, tokoyiko lo babeng, tokoyiko na koyiko bengango, songanzila. Leader a lakisaka nzela. Leader ye mouta sala kaba plan. Leader ye mouta lakisaka nzela o ezama be, bozwa nzela boye. E loko ezama be, bozwa oyu. Alors, leader, ce que ozali faible. Oyebi d'abord ndenge baluka kanzela te. Oko lakisa batu mzela ndenge nini. Yango tolobaki mwana mboka, ifo azala na niveau élevé ya leadership. Mwana mboka, ifo azala na niveau élevé ya raisonnement. Mwana mboka, ifo azala na niveau élevé ya patriotisme. Amour ya mboka. Parce que ozo faire face na ba défi interne, na ba défi externe. Bomoni par exemple humiliation au ya Union africaine. Ce qui mwana mboka zali mwana mboka leka na classe. Mwana mboka zali na bongo. À partir ya Union africaine na tribune wana. Discours au Félix Alobaki elinga ya bongo wana. Elinga comme un discours ya protestation. Imaginez-vous Lumumba à la place de Félix na tribune ya Union africaine. Seul ba président Moussa Bazate ba saboteye. Imaginez-vous Lumumba na isika wana. Mbe l'Union africaine lelwe panzani. Imaginez-vous Kwame Nkrumah na tribune ya Union africaine. Ba sabote ye. Ba chavi na ye en danger. Parce que un président soit ye na mboka na bino sécurité na ye izan na mboka wana. Éthiopie sabote sécurité à Félix. Soki mbuma e kenda ki na Éthiopie. Mbele Félix azui mbuma. Mbele Félix azui froui. Voilà l'idiot de notre président. Azoye bate que Éthiopie et Tché vit na yena danger. Il faut protester. Silence total. Moi, Namboka Tolingaki, on pouvait accepter na prototype ya papa na yetien Tshisekedi. Oui, même si Azali escroc, bon, problème, mais Zate a koyé koza la président. Etienne Tshisekedi pouvait na. Hein, na mesure moko boye ko faire face ya ko sala moi discussion moke na bato pas Félix, on peut comprendre son frère, son jeune frère, ce qui Patrick Tshisekedi, je peux accepter Patrick Tshisekedi devenir président, moi moke ya komeka ko raisonner. Pas Félix. Mais na ba explication o nyon soko yo kaka bande kona biso o ba milvor bazo ya kaka pourquoi olingi ko faire couler ne kona yo azande kona yo binobolo bakini mwana mboka. Mais mon frère, je t'ai expliqué mwana mboka to luka ki prototype ne bango nyon so ndeke. Je suis en train d'écrire, vous allez le voir un jour dans un livre, les raisonnements de milvor. Ce que vous allez génétiquement transformer, la commission Milvor, franchement, raisonnement pesaté. Tout le monde raisonne de la même façon. J'ai eu une femme aujourd'hui qui semblait être un peu civilisée. Abandi, nous avons dit bomba qui est question tribale. Nous avons dit Azali Milvor. C'est-à-dire génétiquement tshisekedisé. Nasuka, ndenge nini olingi yo, professeur Mobimba, pourquoi olingi ko faire couler ndeko na yo? Ma chère, na uti ko pesa yo prototype ya Congo, mutuni to lingi na Congo. Alors, yango na lobaka, pourquoi? Je suis un observateur. So ke une analyse empirique. J'observe. J'observe la société. Kasai, Bandundu, Neba Congo, Kivu, Katanga, Oriental, tout Bandundu, tozali batu. Alors, j'analyse un peu de comprendre. Bisonyo so tozali batu. Mais pourquoi catégorie ya batu oyo raison de la même façon bagonyo so? Eza la baye banite. Et ils ont la païebalité. On a peut-être culture, bazo kabuleska. Non. Nakasa yezaka kaloubati. Ba tete le bazali. Les tete la ne raisonne pas comme ça. Les tete la ne raisonne pas comme ça. Ti na ye komona a bandeko oyo bazali na eloko moko en commun. Ezali na eloko baliaka en commun. Comment expliquer mutu mususu avandi na Kasai abotabi na Kasai soki aliaka eloko wana te raisonnement na yeza ndenge mususu mais soka koti kaka na groupe wana kolia eloko wana raisonnement ikomi ndenge moko na bango na iko découvrir que non c'est la viande ya bambwa ya savane, la viande ya bambwa ya savane ya Kasai. Tout le monde qui mange bambwa ya Kasai, ya savane ya Kasai, raisonne de la même façon. Donc, il faut impérativement interdire la consommation des chiens de savane ya Kasai. Il faut qu'interdire. Boko remarke ki ezana bande konabiso mingi luba oyo bazali na diaspora. Kote peut-être abota bana babota mikuna bakoli, bana na soki balia mboate. Ba rezonaka bien. Ba rezonaka bien. Bome kaka kopesa bango milu. Rezonmanyo se bungi. Pourquoi Nazolo Baboué? Mes chers amis, les Kambo Oyo na loba yango na banda ko répéter yango. Na loba et na banda ko répéter yango. On était ici dans ces pays avec Mobutu. To banda avec Kassavubu. To tikali komona ba ne Kongo na comportement Oyo te. To ziba leader Mususu Lumumba. Tomoni ba tete la boyete. Lumumba était aussi critiqué. Toti komona ba tete la te baloba. Vous critiquez Lumumba, c'est que vous critiquez les tete la. Tomoni yango tata mkolomoko. Na ba histoire to zotanga bien que na période Lumumba, nazala ki na bota makite. Avec Kassavubu, Kassavubu aussi a été critiqué. Tomoni ba ne Kongo te. Koloba ke soki bo critiqué Kassavubu, bo zali ba tribaliste, bo lingi ba ne Kongo te. Tomoni te. Avec Mobutu, Mobutu azala ki le plus critiqué na ba leader politique na biso. Totikali komona ba ngwandi te ba somba likambu wana. Que non, le coup d'abord critiquer Mobutu, c'est que vous n'aimez pas les Ngwandi, vous êtes des tribalistes, vous êtes des jaloux. To yoki yangote. À l'époque de Mobutu, moi je suis témoin parce que na botami n'époque à Mobutu. Na botami 2 ans après la prise ya pouvoir ya Mobutu, na botami. Na botama les jours ya patrie. J'ai évolué, j'ai grandi avec Mobutu. Bien que avant Mobutu azala ki critiquer na Kintsweki, mais vers les années 90, tout le monde on a critiqué Mobutu. Totikali komona ba ngwandi te, totikali komona ba Équateur te en général, ba loba ke critiquer Mobutu pour na gestion na ye, critiquer Mobutu pour azo boma batu, critiquer Mobutu pour azo kangisa batu, c'est que vous n'aimez pas les Ngwandi. To moni yango te ata mokolo moko. Chers Congolais, raisonnez un peu. To ye pa Laurent Désiré Kabila. Excusez-moi, ba vidéo nanga na salaka, bana bazalaka te. Na bloka ka kote a bana, eza pona bana te. Pour au moins les amis sur YouTube. Le premier jour, Laurent Désiré Kabila a mis patte à Kinshasa. Na stade de martyr. Stade de martyr, Oyo, batu e belé, ba milvor, ba ye bakate. Pourquoi stade, on a kombo nango martyr? Stade de martyr, ba leader, nabiso, un premier ministre en exercice, a été pendu na Isikawana par Etienne Tshisekedi wa Mulumba et Mobutu. Ba papa, ya bana, ba ministre, na premier ministre en fonction, arrêté par Etienne Tshisekedi wa Mulumba, justifié l'arrestation de la presse internationale par Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ba vidéo ezali na YouTube, azali ko justifié pourquoi ba kangi bango, pourquoi ba zoboma bango. C'était la signature de Etienne Tshisekedi wa Mulumba en tant que ministre ya justice. La vidéo est là. Ces gens-là, Lelo était un Tshisekedi wa Mulumba, père de la démocratie. Quelqu'un qui a participé à l'assassinat Yabatu. Par miracle, na yebite, était un Tshisekedi père de la démocratie, était un Tshisekedi modèle. Lelo Batu Moussous ya Mobutu. Oyo Mutu, mon côté, je mets tout le monde à défi. Le père de Mobutu, on a yebite. Je cite M. Honoré Mbanda. Personne n'a koyi ko ya awa lelo ndenge toza awa na live oyo mais prouvé avec document à l'appui tala mutu monsieur Mbanda abomaki na date telle na heure telle na sika telle personne alors mais lelo Honoré Mbanda azali mutu non Honoré Mbanda n'est pas modèle est mobutiste Honoré Mbanda mutu moko te amona ye akangi mutu. Mutu moko te amona ya zui revolver abomi mutu. Ou bien Zui Machet Abomimoto. Moi, j'ai été à quelques à 2 km Yanda Honoré Mbanda. Natiko mona mutu Honoré Mbanda bomina butute. Honoré Mbanda, c'est quelqu'un à battre, c'est un mobotiste. Il n'est pas modèle. Yemuta Boma Batu. Mais vous avez une vidéo sur YouTube ici. Vous avez une vidéo. Etienne Tshisekedi, ministre de la Justice, qui justifie la pendaison. Il y a premier ministre en exercice. Il y a un ministre en fonction. Bake ko pendre bango ne sika wana bozo benga stade de martyr. C'est Etienne Tshisekedi qui a signé liwa. Il y a un parent wana. Il y a un papa wana. Honoré Mbanda, c'est un diable. Et Etienne Tshisekedi Lumumba, c'est un saint. Mais Honoré Mbanda et Etienne Tshisekedi Lumumba, ils ont travaillé avec Mobutu. Entre Honoré Mbanda et Tshisekedi, qui avait une signature, une autorité dans le gouvernement de Mobutu? Qui? Dites-moi. Ce qui n'a pas si beau qu'il n'est pas besoin de vidéo, lui-même, Etienne Tshisekedi, dans la presse étrangère, il justifie pourquoi a signé décret Wana Baboma, premier ministre, ba pendre ye, naba ministre na ye. Kimba, Anani, naba Moussousou. Pendu par Etienne Tshisekedi Wamulumba. Le saint de la démocratie congolaise. Quel babololé! Tolongwe na Mobutu, toye na Laurent Désiré Kabila ndenge na bana ekoloba. Na stade wana ya martyr. Le premier jour Laurent Désiré Kabila tche pat dans na stade wana. Banzembo ya liboso toyoki. Ezraki banzembo ya IDPS. Bazali ko benga Laurent Désiré Kabila kadikulu tingini tingini. Nani ayoka nzembo na tena stade? Nani ayoka nzembo wana te l'UDPS envoyé par Etienne Tshisekedi wa Mulumba parce qu'il a tenté de parler avec Laurent Désiré Kabila. Kabila bengi aventurier, bosali ba aventurier na Mobutu awa, na koyamba yote, amoni ke biftek corruption ndenga zwa ba carton, akozwa yango soute, il faut maintenant ko pousser ba wewa, ba milouvor ba ke na stade, ba ke ne ko tcha trouble na meeting ya Laurent Désiré Kabila. Kadikolo tingini tingini. À cette époque-là, l'UDPS binon, bo ignorait que Laurent Désiré Kabila zali papa. Bo ignorait que Laurent Désiré Kabila azana besoin de respect. Bo ignorait que Laurent Désiré Kabila azana bana. Bo fingi Laurent Désiré Kabila boutou moi kadikolo tingini tingini. Bo zaba idiot, bo bosani. À cette époque-là, pas question y a qu'occuper que non, ce monsieur est un parent, Azali Mukolo, Azali na Mwasi, Azali na Bana, il a besoin de respect. Personne. Ce que Oyemi Dengwana, on vous applaudit, voilà moi Namboka, voilà patriote. Tomoni batu ya mobate. Tomoni mutu ya moba mokote. Aya koleka, aye bisabiso. Lokola boyini Laurent Désiré Kabila, ce que bolingi batu ya mobate, ce que bolingi ba choyini te, to moni ba choyini na makambwana te. To ya na Joseph Kabila. Qui n'a pas insulté Joseph Kabila? A tombe la moussabi. En commençant par moi-même. Qui a tombe la moussabi? Na bandi nanga moko. Ba vidéo ezali. Ba image ezali na Corée du Sud. Na Europe, na Amérique, na ba pays africains, na kata Kinshasa, na kata Congo. Tout le monde, nous avons insulté Joseph Kabila. Moutou moko te a se poser question que Joseph Kabila, même si azali étranger, azali quand même moutou, azana mwasi, azobo tabana, Azalina Bandeko. Le problème de moralité ne se posait pas. Le problème de respect ne se posait pas. Joseph Kabila s'est marié à une Congolaise. Bino Bolobi Bozali Batu Yamibeko. Par la loi, Joseph Kabila est Congolais. Parce qu'il s'est marié à une Congolaise. Olive Lembazali Congolaise. Elle a droit du respect aussi. C'est une femme. Combien de fois Bofingi ba parti intime ya Olive Lembe? Alors, combien de fois vous, Milofor? Combien de fois Bofingi ba intimité ya Olive Lembe? À cette époque-là, bozo qui pète Olive Lembe a besoin de respect. Azali maman, Azali mwana mwasi. Azali n'est qu'on a besoin congolaise, Azana a besoin de respect, Azana a neko, Azali n'a papa, Azana a maman, Azana a petit frère, ma petite sœur, Azali n'a pas grand frère, ma grande sœur. Il faut quand même morale et moralité et Zala. Azana a besoin de respect. Non, au fingi Olive Lembe, sous-vêtement, excusez-moi, et ça, vidéo à banaté. Au fingi, sous-vêtement, il y a Olive Lembe. Tout le monde à partir de Kabeka Mwanga vous applaudit. Compatriote, moi Namboka, voilà professeur d'université. Des idiots. Pourquoi aujourd'hui, problème de moralité se pose. Professeur à l'obakaboyete, Zalana respect, Azaka même papa Yabana, Azana Bana, Azana famille. Vie privée naïe. Bande des idiots. Est-ce que vous avez besoin de vie privée? Vous avez besoin de vie privée? Vous avez besoin de vie privée? Vous avez besoin de Laura Désiré Kabila. Vous avez besoin de vie privée? Vous avez besoin de vie privée? Il avait aussi besoin de respect. Vous avez besoin de vie privée? Ça ne posait pas problème à cette époque-là. Mais maintenant, ça pose problème parce qu'il s'agit de la famille de Tshisekedi. Des idiots. Mais bandeko nanga ba congolais. Je me demande ce qui tozali batu. Comment beaucoup qui se faire passer na bateau kakaboyé gratuitement comme ça? Bozali komona mboka na biso ndenge ezokende. Ce qui frère oyo azala ka compétence osala mosala na faveur ya Congo. Problème exact. Azali mwana mboka. Ce qui azali qu'on remplit prototype d'un président. Cause à la présidence, ce n'est pas donné à tout le monde, bandeko. Moutou nyon soit capable de misala nyon sauter. Moi qui vous parle, pourquoi qu'on tient un ministre à santé? Moi qui vous parle, pourquoi qu'on s'est engagé, n'a qu'un de kotangi sa, n'a qu'un de kotangi sa, n'a l'obani, n'a qu'un de kotangi sa, ce qui est science nini. Oyonga na tanga te université. Nako tangisa te. Nako tangisa te parce que nazan la compétence à ta mokote. Nako tangisa te. Moutou oya ko dirige biso. Mboka na biso zane na ba défi et belé. Ce n'est pas le moment de jouer. Bon, moni ba mboko ba koma déjà ba riche. Ba koma na mbongo. Ils peuvent blaguer, ils peuvent jouer. Ils peuvent prendre un singe, bah, tchèye président de la République. N'a pas ça qui est un exemple, il y a les États-Unis avec Trump. Trump, en réalité, ce n'est pas quelqu'un qui mérite être président de la République. Mais les Américains ont blagué. Parce que, bah, il y a une institution à Bangui, ils allaient forte. Amérique a vendu sa institution. À un niveau que même un aventurier, le coup la Trump, ce qui a yé, a qu'on dérangé Penza, États-Unis, te kweya. Parce que bah, tu as déjà bah, gardé fou. Au moment de la reconstruction du pays, au moment où Bozali ko luka moyen, pays ezala, le coup la pays est vanda. Beau réformer pays, bien beau construire pays, parce que notre pays, ce n'est pas à réformer, c'est à construire. Ce n'est pas à reconstruire, mais c'est à construire. Batiaka n'importe qui t'es. Batiaka n'importe qui t'es. Parce que c'est un moment de sacrifice, vous en avez besoin, il y a mitou. Mitou et tamboula, bongo et tamboula, et raisonner. C'est comme ça que les Coréens se sont développés. C'est comme ça que les Singapour se sont développés. C'est comme ça que les Taïwan se sont développés. À cette époque-là, ils ont dit, bon, tout le monde est citoyen. Mais à cette époque ici, où nous voulons construire notre société, on n'a pas besoin de n'importe qui. Basakani. Pardon, Batongi, Herbamonique, garde-fou économique et vendi, garde-fou politique et vendi, garde-fou sociaux et vendi. Ba pays où Bakoyikou même un singe, ba tient président de la République. Mais bazo sa li langote, baza toujours ekenge. Parce que Moukili est commis keba keba. Alors, à ce moment où nous devons penser à construire notre pays, vous allez prendre un idiot, vous le placez à la tête de notre pays, voilà ma débâcle. Est-ce que Zamabé, Kolobakende, Konabiso Oyo, Nesika Oyo, vraiment sans blague, yété? Ezali Mabé. Non, Azala kaka, ye kaka, ye, parce que Azali mwana Tshisekedi, ye kaka, parce que Azali mouluba. Ceux qui bon lobby, bon lingi ba loubate. Ceux qui bon critiquer, bon lobby ba loubate. Mais tout louba connaît que l'enfant de Tshisekedi a raté l'école. Ba yebi, consciemment ba yebi kendeko o a raté l'école, mais il le défend toujours. A raté l'école, a raté te, président kaka. Likambo ekolo na tuna gabino. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, premier ministre à maintes reprises. Il a commencé ce qui recteur na université qui a Louvanium. Alongwe kuna aye ministre de la justice, ministre intérieur, premier ministre à maintes reprises. Question on a tout na cabino le milouvor. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que Félix rate l'école? Mbongwezanga qui? Papa premier ministre à maintes reprises. Papa ministre à maintes reprises. Papa président et parti politique à maintes reprises. Non, Tiliwa. Ndakwezali, ya Ofele. Erazaki, PDG même, ya Erzaïr. C'est comme ça qu'il a spolié cette maison-là. Au Bavandi, à 10e rue, lui mettait. Ce n'est pas sa maison. Il ne l'a pas achetée. PDG à Air Zahir. Ndakwa Air Zahir, Ndakwana. Et ça, ma passager, ma pilote, ma bandeau, il est là, Ndakwana. Bana mkana tongo boye, lupangwe komi na kombo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ti lelo. Ndaku ya Air Zahir livré ya lupango wana ebunga bakende boye na hôtel de ville bamona livré na ekomi na kombo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba livré ya liboso ezalaki na kombo ya Air Zahir ba pilote bazolala na ndaku wana bala mkaboye lupango ekomi na kombo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba asombaki yango na butu asombaki yango na moyi asombaki epai ya nani. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce fils rate l'école? Mbongo ezanga kité. Ndako ezanga kité. Ba école ezanga kité. Mais pourquoi il a raté l'école pendant que les autres enfants bakenda quand même école? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Mwana Azali Mongol. C'est ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mwana Botama Mongol. ba mema na ekolo awate ba mema kotoyo awate ba kende awa awate azo kokate moyen ezate papa na mama ba décider bon mwana déjà si abotama ezape forte na bisote nzambe ka mutakela ebongo avanda ka nanda. C'est comme ça Félix est resté à la maison. Tozali awa soki za les hommes susu bobi misango siko totala soki za les hommes susu bobi misango totala. Français Félix Alobaka, il est resté en Belgique, c'est tout. Parce que Congolais, aza moto moko na ye bakate, soki ba lesa biso nini, Congolais bongo na ye pe, et comment er moko pe, soko landeli ba Congolais moussous, c'est comme bongo loko la Félix. Parce que pour les Congolais, l'intelligence c'est celui qui parle le français, c'est tout. Donc Congolais, même ba Mongol, oh ba botami na France, ba Français, ba Mongol, ils sont intelligents. Parce que ba lobaka français. Pour les Congolais, ils ont la Mongol, ils ont vendu la Suisse, ils ont vendu la Français, ils ont intelligent. Ils ont vendu la Belgique, ils ont vendu la Français, ils ont intelligent. Pour les Congolais, l'intelligence se limite à la capacité à la langue. Mais les Congolais, ils ont vendu la langue, ils ont vendu la Français. La langue est belle. Félix parle français parce qu'il a vécu en Belgique. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Parce que Congolais, il y a la vérité. Lobaka boye, okokufi la kuna, ngana kokufi la wate, boko mona ngai, ngana kokita na mboka wana. Nakokita na mboka wana, nakokita. Je ne suis pas chômeur. Hein? Naza chômeur te. Kako lobaka kuna, 30 ans na poto, o vandi kaka na poto, non, na vandi na poto 30 ans, d'abord na vandi na poto te. Poto eza Europe. Na vandi parce que j'ai un travail. Nazala misala kutu na loba. Nazala misala. Soki misala nanga isili. Nako kita na mboka wa. Nako kita. Ce n'est pas un 50% Congolais qui va me faire chasser de ce pays. Ce pays-là m'appartient. Eza mboka nanga yi. Nazali 100% Congolais. Ba Congolais. Mais votre Mongol, il n'est pas 100% Congolais. Il est 50% Congolais. Ah oui, hein. Nakosi, maman est angolaise. Yé moko pe aloba, mo. Yé moko aloba, maman est angolaise. Alors, répondez-moi à Nazo Zela Namona, pourquoi il a raté l'école? Si réellement vous êtes là pour les Congos, pourquoi s'attaquer na bato o bazo critiquer? Pourquoi voulez-vous lier les critiques pour la gestion mauvaise de la société de notre pays? Vous liez ces critiques à votre tribu. Pourquoi vous liez ba critique na bato? Mbongo ba détourner, oui, bomoni bazo détourner. Votre frère fait des bêtises partout soit accueilli, oui, bozo mona. Bato ba lobate, ce qui ba lobi, bolingi ba lobate. Di bino boza ba malade ou bien boza ndengeni. Ce pays nous appartient tous. Et ça pays na binote. Pourquoi vous allez na stratégie à victimisation? Pour nani? Et bande ko ba congolais o bazali ko yeba te stratégie na bango ezali nini? Stratégie na bango ezali vous faire taire. Vous faire taire bo lobate. Botika bango ba diriger ezali royaume. Ezala royaume kout na Angleterre ba critique kapé. Na Thaïlande bozomo na bato na balabala bazo critiquer le roi. Oyo royaume ndenge nini? Kolobela bango, kolobela Tshisekedi te, kolobela, ayiba te, c'est son pays. Ayiba, akosa te, c'est son pays. Atanga te, c'est son pays. Il impose, il faut bondima, ye président, il faut. Soki boboyi, bolingi balobate. Qu'est-ce qu'ils disent? Haine tribal. Haine tribal, m'a dit. Un tribal les alliés pas y a nani. un tribal ezali et pas un ami. Bino misala bozo sala. Ngai, soki nazo critiquer Félix, nazo critiquer Félix par rapport à mon pays. Il me représente mal. Il gère mal mes biens. Il gère mal mon pays. Voilà pourquoi je les critique. J'ai le droit de les critiquer. Quand je critique Félix, je ne vise pas les Loubas. Avant Félix a comme président, qui m'a déjà entendu parler des Loubas? Atombra Moussapi. Nani asia yokangai na zoloba komba ba Louba avant Félix a comme président. Mais Kolobanangai, c'est en réaction, ras-le-bol. C'est la réaction par rapport à comportement na Bino. Bino bozo kanisa que pouvoir oyo ezali ya Félix c'était pouvoir o ezali ya Balouba. Pouvoir o ezali ya Balouba te. Ezali pouvoir ya ba Congolais, ezali ya Balouba te. Dissociez-vous. Laissez-nous avec Félix parce que Félix me représente, il vous représente. La République a démocratisé le Congo, ce n'est pas les Kassai. Ce n'est pas les Louba. Ezali pays na biso nyonso, ezali pays ya Balouba. Félix n'a qu'à me rebaler 15 millions de dollars. Oh, bolingi Balouba te dit. Mais ba yibi o yebi ke ba le 15 millions de dollars. Ti lelo enquête e soukawapi. Enquête et soukawapi. Bolingi Balouba te, ba tribaliste. Dit. Mais bamboa bato baliaka, eza bamboa moko, na yebi te souki, yango te mouté so pesa bato COVID. Félix s'est retrouvé seul dans Addis Abeba. Ils allaient honte nationale, ma président africain, ma pessimiste. Ma jaloux, bolingi balou baté, ma tribaliste. Oh. Dit. Si vous voyez Bissanga, pourquoi ces gens ici, bande konabiso oyo, ba raison à kandenge moko? Pourquoi? Voyez Bissanga. Ce qui est ça qu'on y a emboîté. Alors, ni ne salaire, parce que baza batou le konabiso. Les tétés là sont là dans les Kassai. Les tétés là ne raisonnent pas comme ça. Et pourquoi elle raisonne de cette façon? Bangonio son raisonnement d'engemo. Ezala omoni azana doctorat. Ezala omoni azana doctor. Il raisonne la même chose. Alors, Togolobanin. Togolobanin, est-ce qu'on y a emboîté? Est-ce qu'on y a emboîté? Na vidéo R vidéo na sala ki mukola ko na yebisa ki bino. Surveillez votre frère. Pour na makambo ya mai. Bon, la nouvelle formation des OPS, j'ai suivi, je pense, na canal Moko, na ebite sur Al Jazeera, ou bien canal na Bosani Kombo ya chaîne wana. Ils ont parlé de cette situation. Elle na zota na kout na oh, mais ces gens-là, c'est comme si balandingaï, est-ce que ba yoka kalinga là? Ils ont expliqué danger, ils ali pour na, problème, ils a pour na fleuve Nil. Et les dangers pour le fleuve Congo, s'il n'y a pas un leadership responsable au Congo. Parce qu'il y a un risque, Maya fleuve Congo se retrouve dans le fleuve Nil. Cette télévision a parlé de ça. Bazaba Congolete, Bazaba Mpangistante, Bazaba Tabandundute, Bazaba Yakate. Ils ont parlé de ça. Biso ba Congolete, ba tribalis, ba yingi ba loubate. Dit, tozolo ba makamba fleuve Congo, tozolo ba makamba fleuve Nil. Les Kambabalouba côté à Wandengenin. Et où tu vois les Kambabalouba? Na loba ki na vidéo, parenthèse, on appelle ça qui, à Wandeko na bino, à qui comme président ya Union africaine. Pardon, à Simba Kessa Batouté. Le kola na Kosaki. Félix a lobby premier projet. Union africaine ba bimisa mbongo. Oya Tonga Institut, y a documentation africaine na Kinshasa. Na yimsa ki bino, bashik on ne donne pas les pouvoirs na bashikulaire. Félix a lobby Union africaine ba pesa mbongo ye atonga Institut de documentation africaine na Kinshasa. Donc, ça veut dire projet de 100 jours à l'Union africaine. RAIE ou comme Mbappé si pouvoir pour Azoba Mixgel, projet de 100 jours, 600 millions décaissés. Lélo Soukawapi. Ake na Union africaine, premier projet na ya lobi, Mbappé Sambongo, a tonga institut à documentation na Kinshasa. Awa, bozo yokat. Bozo yokat. Ngam na lobi yangote, il a dit, Mbappé Sambongo, a tonga institut à documentation na Kinshasa, documentation africaine na Kinshasa. Boye bake na Mbongo Union africaine, Mbongo ba Nigeria ezali. Boye ba Nigeria na makama Mbongo. Nigeria ko iko bomayo pona 1 dollar. Na kati kuna mbonga ba Sud Africa ezali. Boye bi ba Zulu ndenge ba tomboka kapona makamba mbongo. Ba Ugande bazali. Boye bi ndenge bazala kapona makamba. Ba kame mamuani olia mbongo Kamerune. Awa ndeko na bino alobi ba pesa ye mbongo atonga institut ya documentation africaine na Kinshasa. Place na Congo nano azo tonga tanda kute. Ya ba enseignant. Il paye les enseignants 100 dollars. Bozo mbongo abata ba africain bo pesa Félix. O to lobby te. To lobby. Bo pesa ye. C'est pas notre problème. Bo pesa ye. E komate. Bolingi ba luba te. Bozo yokati, chers amis luba, bozo yokati, ndeko na bino alobi ba pesa ye mbongo, atonga institut ya documentation africaine na Kinshasa. Oyo nana yebisi ba Kongole bo pesa ye 600 millions de dollars pona projet de 100 jours. E suki wapi? Er yangoyo. Bo se victimize sikoyo. Parce que bon lien bon wa contribution à ba Nigérien, ya ba Ivoirien. Toko la boutou, ba Ivoirien, ce qui bon lien bon na bango ba tchaka na Union africaine. Bo pesi Félix. Bo yi ba Ivoirien denge ba lobaka. Angualima, ba pesa ka ye kesté. Félix a angualima. C'est un escroc. C'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Ba député na bino na yebité. Il y a une députée kombo na yeso ki Henriette Mouwa si c'est na yebité ou a yebi ya ko rappelé ngai. Tozo luka ba député ba proposer ba loi. Voilà, Henriette Wamu. Merci beaucoup New Touch. Merci, thank you. Henriette Wamu. Cette dame azali ko proposer na Assemblée nationale une loi. Ezali loi te pour na ko régulariser immigration na mboka na biso. Quand les Rwandais viennent, ils doivent demander la nationalité congolaise. Elle ne propose pas une loi pour l'économie en Mboka na biso. Elle ne propose pas une loi pour la minerai na biso ezobima. Il ne propose pas une loi qui mutu propose à la président minimum il faut la ta graduer. Mais cette dame sans rire, elle propose une loi que le pays reconnaisse Étienne Tshisekedi Lumumba comme père de la démocratie. Henriette Wamu Alobi azali ko proposer une loi que la nation congolaise reconnaisse Étienne Tshisekedi Lumumba comme père de la démocratie. Naïbité, c'est de quelle démocratie s'agit-il? Démocratie n'a mboka ou démocratie exacte, mais il y a un père de la démocratie. Où est-ce que vous avez père de la démocratie dans un pays où il n'y a pas la démocratie. Ce qui est démocratie, c'est ça. Si tu recouvres l'exil, pourquoi? Tocqueville fut en exil, pourquoi? Père, il y a démocratie, où il y a un parti politique. Naïe. Ti aye kokufa na liyanzi na likolo. Etienne Tshisekedi n'a jamais organisé une élection na UDPS. Père, il y a démocratie. Oyo abanei kopé sa conseille pas Mobutu de rester toujours dans le système, il y a parti unique. Père, il y a démocratie. Au moment où Bissot Toza ko lité pour na ba Rwandais, lui signe. L'Afrique décide pour que Joseph Kabila devienne président, à la présidente du Congo. Père, il y a démocratie. Au moment où Namo Yazoko Saba Congolais, Louis Boutou-Boutou Atinda Valentin Moubake pendant 2 ans à Rwanda, relais entre lui et Paul Kagame au Rwanda. Sachant que c'est Paul Kagame a des troupes au Congo, au Bazali Koboma, ba Congolais Boutou Moï. Mais votre soi-disant père de la démocratie dépêche un émissaire pendant 2 ans à Zofutelaye Ndako na Rwanda. Relais avec Paul Kagame. Ti aye kokufa exercice la démocratie à Tiko la Kisangote na IDPS. Et voilà. Le milouvor balingi moutou oazala, le père de la démocratie nationale. Toko bouka yango. Faites ce que vous voulez. C'est votre pays, c'est votre royaume. Faites ce que vous voulez. Mais toko bouka yango, toko bouka nyonso. Père, il y a démocratie. Moutounion soazo matanaï de pes. Et tu sais ce qu'il dit, fou a diminué, yeba vilipende. Et tu sais ce qu'il dit, saluer Mobutu, manger avec Mobutu. Bana tu sais qu'il bande kokoutana bana Mobutu, bande kotambulana bana Mobutu. Ce n'était pas un problème. Même moutou moussous na ide pes soki ba monie kaka, ba monie ou kaka opesi, moutou moutou mbote. Ba vilipande yo ba longoli yo. Soit ba empoisonne yo, ba koseli moutou. Il est resté, il a éliminé tout le monde. Mwankiem, moutou mabe. Kibasa maliba, moutou mabe. Liaou, moutou mabe. Sauf lui-même, Saint-Esprit. Sauf lui-même, Saint-Esprit. Azali kokuta na Mobutu. Azali kolia na Mobutu. Mobutu a beli alinga kufa. Na tango bato bazo luka moyen ko sorana de Laurent Désiré Kabila. Lui, tu sais qu'il prend l'avion à kende na France. A kende kokuta na Mobutu. Pour Mobutu a pesa ye pouvoir. Mobutu a ye ko zonga lobi niette. Père, il y a démocratie. Na ebite, ce qui na Congo démocratie ezali, na ebite. Na ebite. Tshisekedi mutalakisi bino koloba. Di, bino boyebi batu oyo ba telema bazwa ba risque na mboka oyo. Ngunza Karlibon s'est opposé à Mobutu avant Tshisekedi. Disons à Batu Obazaï na pouvoir. Les 13 parlementaires, l'idée, c'est là qu'il y a Tshisekedi. Tshisekedi ba yeko koti sa ye na makasi na bande kona ye baluba. Batu Obazwa idée, il y a les 13 parlementaires. Tshisekedi les a éliminés tous. L'UDPS, il y a 13 parlementaires et aussi la UDPS familiale. Voilà les pères de la démocratie. Un type qui élimine tout le monde dans le passage na ye. Ba vilipande yo, ba koseli makambo, ba longoli yo, ba bomi yo, ba koseli mobutu. Voilà le père de la démocratie. Il faut s'y reconnaître au niveau national. C'est lui le père de la démocratie. Dans un pays, oyo, et il faut la démocratiser. Il faut qu'on soit malade. Il faut qu'on soit malade. Donc, il y a aussi ça. Il y a des gens qui sont congolais. Il faut tous se soutenir. Nous demandons à les Congolais, nous, il y a Libanda ou bien il y a Kati, il y a Mboka ici, quand il y a des Patrick Mbeko Azali, tous allés qui ont un soutien pour nous. Patrick Mbeko n'est pas un frère à négliger. Patrick Mbeko azali parmi les compatriotes au bazali kolongola biso soni na diaspora. Patrick Mbeko azali quelqu'un oyo na bamboka o ezali sérieux. Les gens comme de Patrick Mbeko seraient quelque part dans notre pays pour aider le pays. Mais hélas, parce qu'il n'est pas Atalakou, il n'est pas djaléluiste, il n'est pas tambourinaire, il n'a pas sa place au Congo. Voilà ce vanipier, comme on a dit ce qui Paul Sap. Le monsieur ici, Paul Ntsapo, qui veut devenir, soi-disant, président à CENI. Alors, pour devenir président à CENI, pas par mérite, parce qu'il y a Zali Moulouba, pouvoir Zali Abalouba, coûte que coûte, il faut comme président à CENI. Et tout le monde qui s'oppose à Naye, tout le monde qui dit que Paul Ntsapo a Zali Moutouté ou Akoïko représenté Bisson Asseni. Il n'est pas sérieux. Ces gars ici, Akeko Funda, pour diffamation Patrick Mbeko, Namboka Canada. Oyo Patrick Mbeko a Lobaki. Paul Sapo a Benyango diffamation. Ngaipe na Zoya na Elo comme soit diffamation. Boye bisa Paul Sapo ayako fundanga. J'en ai besoin. Vraiment na lingi vraiment yako fundanga. Segar ici, azali kozwa mbongo ya commission ya droit de l'homme ya ONI. A tout moment, soki ba bengisye na Genève. Liste ya batuna ye, o azali koye na bango na Genève. C'est sa fille. Ses cousins, au commun dans la catalyse, je n'ai jamais vu, na moni, je vais publier ça. Na moni, ba liste, nyon, so ya Paul Sapo, so ki ba ye conférence, ou bien réunion na Genève, na cadre à droit de l'homme. Au commun dans la catalyse, Bilomba, Ntumba, Kazadi, Muteba, au commun à Mutumusuti, et pourtant, il s'est fait passer. Pour le représentant, il y a une organisation à droit de l'homme dans le Congo. Droit de l'homme, c'est seulement de sa tribu. Balouba, Balouba, Balouba, Balouba. Et voilà, c'est le type comme ça, il veut devenir président Yasseni. Moutoua Lobaté. Moutoua Lobaté, Balobi. Parce que Patrick Mbeko a donné son point de vue. Moutoua za sérieuxité. Ngaï na kolingate a représenté nga na CENI. C'est légitime, c'est légal. Non. Patrick Mbeko a ligné ba loubate. Mais qu'est-ce qui est là de louba? Patrick Mbeko a dit moutou oyo, azali moutou, azana prototype ya koza la président ya CENI te. Toloba ki yango pona malumalu. Toloba ki yango pona batou moussousou. Pourquoi pas Paul Sapo? Parce que azan moulouba. Bon, l'obate. Ce que l'obi, non, Patrick Mbeko a dit qu'il va l'obate. aîné, tribaliste. Diffamation. Ngaï, na pesi diffamation. Soki bo silisi procès wana kuna na Canada. Boya awa kufunda ngaï. Mais vous avez idiot. Donc, nous demandons à la Congolais Nyonso, tous à la carte, à se soutenir. Parce que, biso tous à bana ya ba, ba bola, le petit peuple. Patrick Mbeko n'a pas un frère qui a détourné Bambon ou Kinshasa, ba millions de dollars. Il n'a pas un frère qui est conseiller, et pas Félix, que salaire a coûté 24 000 dollars. Akoyi kozwaka salaire à moi moko afuta ba avocat na mboka Canada. Na mboka Canada ba avocat ba za cher. Voilà comment est-ce que ces gens bazali ko détruire biso. Donc pour na bango pouvoir na bango, il faut détruire tout le monde batika la bango moko. Patrick Mbeko c'est un jeune frère qui se débrie. Na koyi baté na bongo na ye azo se débrouiller pour na ko vivre. Mboka wana Canada za mboka etondi ba taxe. Soko futi taxe, vous avez un problème, il faut travailler. Alors ceux qui travaillent, voilà ces gens ici parce que ils n'applaudissent pas leur idiot. Il faut qu'on détruire bango parce que bazo émettre ba point de vue contraire. Il faut qu'on détruire bango. Patrick Mbeko aura un problème d'engager des avocats. Avocats na mboka Canada ils ali cher. Et Congolais Azali Kotala. Il y a combien d'avocats congolais dans le Canada? Naibi Kembo à Canada, Mibeko, il y a ma province, il y a ma État. Ce que vous avez dans l'État, vous avez ressemblé à l'État, vous avez dans l'État, mais vous avez dans Québec, les avocats congolais dans Québec. Vous ne pouvez pas couper ça. Maboko n'a bien dit qu'on a dit ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé quoi? À émettre point de vie naïe, moutou oyo po naïe a moni ki a koyo koza la président ya senite, peche ni ni za wana sali. Bon, yin kaka pensée unique, parti unique, moutou a lobate, pouvoir nabino, moutou soka lobi, bon yin ba lobate, ba procès partout. Pourquoi boye? Po nanini boye? Mais ce que je sais, Patrick Mbeko, c'est un gars très intelligent. Et Bokomo n'a procès ou à côté Kosuka. Bokomo n'a procès ainsi qu'à Kosuka. Mais s'il y a un problème logistique pour Nande Konabiso Patrick Mbeko, je demande Nabiso Nusoba Congolais tout Tchamaboko. Parce que Patrick Mbeko n'a pas parlé pour sa famille. Point de vue naïa émettre, ils allaient pour la famille n'a été. Patrick Mbeko ne vit pas au Congo. Ce qui est président, il y a CENI, un Chekouler, un Milouvor. Mais fait, on a Patrick Mbeko à Kosibir en mode directement. Ils allaient bino batouvan na Congo. Point de vue, ils allaient pour na bino batouvan na Congo, pour na biso bana Congo. Ils allaient pour na famille à Patrick Mbeko, pour na moisi na yete, pour na bana na yete, pour na papa na yete, pour na maman na yete. Ils allaient point de vue pour na yonangaï. Tolingi moutou azala na seni, azala d'abord propre. Azala impliqué na ba corruption te. Azala impliqué na ba magui te. On vous demande ba Congolais ba yana Genève pour na réunion à droit de l'homme. Yo ke kozwa famille na yo, moisi na yo, bana na yo. Omemi bango na liste wana. Mundele na Genève a yebite ke bato baza bana na yo. A yebite, azo mouna ka ba kombo ba Congolais. Ozo kosa ke baza ba Congolais, bango nyo so ba Congolais ba wute ba province mso. Nzo kende famille na yo. C'est une histoire de famille. Et vous consommez l'argent de l'ONU, or na kati ya mbongo ya ONU wana contribution na ngai ezali, contribution na yo mutozola na ngai ezali. Bolo bate, parce que azali moluba, bolo bate. Biso, ti boko lemba. Ti, attendez, corona oesila. C'est que moi je cherche corona oesila. Na ba réunion denge kendaka. Un jour que Félix Azali na réunion moko ya Nations Unies quelque part. Boko yoka sango. Même na zali na cour, na zali na examen, na kokata, na kokende. Boko yoka sango. mboka oyo bokomisa mboka oyo lokola lokola mboka na bino bato baloba te bato bakosola te boza banani boza banani soko tali na terme ya production. Moi, je peux admettre encore bandeko na biso ya est ya ya na grand Kivu na Beni kuna bandeko na biso ba souffrir mingi to sacrifier bango mingi na buzoba na biso na Kinshasa. Ces gens-là peuvent se dire bon voilà tozolo ka président o akouta Kivu. Na terme ya production ba kolta na bango combien bozali kolia les katangé. Qu'est-ce que les Kasai produit? Kasa yazo produire kaka ba bandi, ba wewa. Kasa yazo produire kaka ba consommateur, ya trésor public. Kasa y produit quoi? Bozali ko produire nini? Et nini yazo pesa bino audacité wana, comme si le pays vous appartenait. Yango tolobaka, idio moko azali idio moko. Ba idiomi bale, bazali ba idiomi bale. Ba idiomi satu, bazali ba idiomi satu. Mais, ce qui est commis, 1 million d'idiots, c'est un parti politique. Ce parti politique, c'est l'UDEPES. L'UDEPES est constitué des hommes et de femmes des tribus. Ces hommes et femmes des tribus sont des millevores. Les millevores sont des citoyens congolais génétiquement tshisekedisés. Ils ne raisonnent que sur base de leur tribu. Merci beaucoup pour la lélo. Merci pour la Rolanda Bisso. Merci pour la Okabula vidéo. Et Tokutani prochainement. Merci à vous et courage. Mboka Oezali Mboka Nabisso. Moutako Bangi Sabisso Azate. Moutako bangi sa biso azate. Bako longwa, bako kende. Nous, on croyait qu'ils allaient qui politique ya ba Congolais. Pouvoir ya ba Congolais. Nous avons des pouvoirs, ils allaient à l'ouba. N'ayeba kite? N'ayeba kite? Partout, aux yeux, kasiko, pouvoir na biso ba l'ouba. Pouvoir na biso ba l'ouba. Je croyais qu'ils allaient pouvoir ya ba Congolais. Nous avons des pouvoirs ya l'ouba. Alors, ce pouvoir doit tomber. Mongol na bango, ako kima. Le président africain peut remarquer qu'il y a un mongol. Bah, il était. Parce que, à Golobani, il n'y a pas aucun président. Mes chers collègues présidents de la République, il n'y a pas aucun président. Tu t'adresses à qui? Babo, il n'y a pas de tu t'adresses à qui? Mongol. Mongol, Bazalaga Bongo. Raisonnement exact. À ce moment-là, il n'y a aucun président, aucun premier ministre, aucun ambassadeur, aucun envoyé spécial, aucun conseiller. Mes chers collègues, président de la République, ma République n'est ni mongol, raisonnement exact. Que la salle est vide, aucun président. Changer discours. Il faut pas aucune université pour y aller, il faut changer discours. Parce qu'il n'y a aucun président dans la salle, aucun premier ministre dans la salle. Il faut aller à l'université pour y aller, pour changer. Excusez-moi tout de suite, on peut déjà mon avis sur la soupe. Mais c'est comme ça. Merci beaucoup. Pendant Rolanda Bisso, Bozala Malamo, tenez bon. Et. Moutoumoko a intimidé binoté. Prenons le courage de dénoncer. Prenons le courage de dire la vérité. Il faut ton lobana ba vérité. Ton lobana. Kobomba vérité za malamote. Cessez l'hypocrisie congolaise. Botika hypocrisie ba congolais bande konabiso. Le pays va mal. Le pays va mal. Bangoumou balobi pouvoir na biso ba louba. Et vous les laissez continuer avec ce pouvoir. Le pays n'appartient pas au louba. Le pays nous appartient tous. Ce que le pouvoir n'a biso ba congolais, oui, c'est bien. Mais est comme pouvoir n'a biso ba louba. Vous entendez? Pouvoir n'a biso ba louba. Et yo congolais, au vande kimia, et zo sala yo eloko mokote. Ndeko, yo nde moutoza na problème. Ndeko za na problème. Diaspora ici ko vande, c'est pas. Eza pays na yote. Hein? Même aux huit nationalités en Bokana, quelque part, on va vous rappeler. Vous êtes d'où? Je suis français. Ah oui, je sais, vous êtes français, mais originaire de. Est-ce que vous comprenez que c'est bongo na bino? Et ça bino te quand on vous dit, on vous demande, oui, vous êtes français mais originaire de. Voyez bakate ça signifie quoi? C'est pour vous rappeler que ça c'est pas votre pays. Alors, banana yo. Bakoyé baté tout ça là vraiment na mboka. Bon, bakoyé baté tout ça là na mboka. Mais faites quelque chose, laissez quelque chose pour vos enfants. Boutique la bako qu'on a bien quelque chose, ne fils que pays, tout tique la bango. Ces étrangers, ma pessimiste chance, il y a côté que la banane, la biso, ma famille, la biso, ma bomengo. Mais tout tique la bango, ta ma belle ya pamba, mboka ya pamba, tout tique la bango. S'il vous plaît, cessez l'hypocrisie. Au vent du caraboyer, en public, non, mboka na biso, c'est ça malamo. Tribalisme, exacte. Il n'y a pas de tribalisme. Non, Nathan, on va pouvoir, na biso, ba louba. Il y a tribalisme, t'es. Oh, il y a pouvoir, na biso, ba louba. Il y a tribalisme, t'es. Inbox, papa, au lobby, il y a solo. Papa, loba, panza bango. Nako, panza bango, t'es. Yo, moussala na yonin. Responsabilité na yonin. C'est comme s'il y a des citoyens observateurs, batala kaka match ndengezo beta. Or, c'est un problème qui nous concerne tous. Donc, parler pour de Milouvor, même si au Kangaki déjà, il faut continuer toujours Koloba. Donc, merci beaucoup pour aujourd'hui. Il y a Mbalo aussi ici, place Wana. Nous avons fait 1 heure, presque 2 heures, et c'est trop. Et bandeko oyo mingi ba vanne Kinshasa bazo se plaindre ba vidéo et les kimilayi biso na Kinshasa ba méga exacte moyen to landanyo c'est exacte mais non fragmenté je vous permets yango mona kana sala ka 2 vidéos na mbala moko ya YouTube na ya Facebook alors pourquoi ko zo ba vidéo ya Facebook bo kati kati yango bo tindi na bandeko na bino ya WhatsApp c'est facile. Parce qu'avec les Congos, on ne peut pas parler pendant 20 minutes. Ma cambrésa est belé. Tout ça a besoin de conscience nationale. Il faut tout loba, tout loba, tout loba. Alors, si on a besoin au cabo la vidéo fragmentée en haut, dans ma partie minute mouké, au tindi na bandeko na WhatsApp. Voilà. Donc, merci pour la confiance pour Pessa Rabisso. Merci pour la Rolanda Bisso. Tout ça, les Lagandais, ma cambrésa. Ce n'est pas important, tu as tout le bateau, tu as ma boucle ici. L'objet, tu es tout l'objet, oui, mais moutoumoko a zoté les mazates. Ce n'est pas bien. Alors, tout ça là, tout pour que Mongol a l'ongwana pouvoir, ou le koutazo mérité, bah, Afrique, koutou bah, boyé. Donc, Nzamba, ebi, n'est pas pour répondre. Merci pour tout. Et, tout koutani, prochainement. Allez. Bye bye. Nadota la bino bolonga, bobi ma bima, c'est fini, c'est fini.